Annonce 4. Chers clients, dégustation de cuisine antillaise au rayon charcuterie. Au menu, accras, colombo de poulet, salade exotique et autres gourmandises.